Si mon groupe de rock n'était pas un échec, peut-être que j'aimerais la vie. Si j'avais rien qu'une fois une petite copine, peut-être que j'aimerais la vie. Si j'avais une proposition d'embauche, peut-être que j'aimerais la vie. Si je n'étais pas toujours à découvert, peut-être que j'aimerais la vie. Mais hélas, moi je vis avec rien, et je danse tout seul sous la lune. Je suis malheureux comme un chien, car je ne suis rien. Si j'avais une fille qui voudrait me voir, peut-être que j'aimerais la vie. Si j'avais 20 euros dans mon tiroir, peut-être que j'aimerais la vie. Si je réussissais mes études, peut-être que j'aimerais la vie. Si j'entamais le Tour de France à pied, sûrement que j'aimerais la vie. Hélas, moi je vis avec rien, et je danse tout seul sous la lune. Je suis malheureux comme un chien, car je ne suis rien. Hélas, moi je vis avec rien, et je danse tout seul sous la lune. Je suis malheureux comme un chien, car je ne suis rien. Hélas, moi je vis avec rien, et je danse tout seul sous la lune. Je suis malheureux comme un chien, car je ne suis rien.